redompter et compter. Des secondes à l'approche du sort. La vie c'est fort, mais y'a rien de l'autre côté. Parachuté du côté d'un bout de la face. Parachuté du côté obscur de la force. À cause de la patte rapide, j'ai vécu des trucs. Rapport, la paranoïa dans mon cerveau. Thank you. Thank you. croiser la nuit en plus avec mon pose car au loin la bulle baisant les murs sans pote car pas de pause gars 4h du mat opérationnel et je me pose là à la chambre dans les rues ou à la maison en chanson même dans la gare c'est ça qui est bon moi quand le soleil je suis un lion dans la savane et pas dans ses eaux un poisson dans l'eau en repli tu es un ton toi t'es plutôt pas celui de spectacle tu passes la base à la télé t'as vu mon télé moi j'écris des bases à traiter comme des sacs au japonais depuis tant que j'ai des cœurs bien des jambes et des rimes qui font plein qui font plein depuis tant que quand j'ai mangé des poissons à nous dit que pas pour ça parce que la vraie vie on parle pas avant mes mains j'ai même pas faim on est très bien du tchat dans vos cerveaux soyez pas fan respectez tes bimbos ou bien on pourrait tout ce qu'il y a je peux tout ce qu'il y a Je suis aussi, je suis assez fou. Vouloir quitter, je n'ai jamais essayé. De peur du monde, je me dis de fou. Qu'est-ce que tu fais avec cette écroule? Je vais faire un trou dans mon zombie ou dans mon corps. Ça me fout pas l'âme. Tu fais du mal à ton âme, je te condamne. Tout seul, tu n'es qu'un âme. Prépare une canne, t'en auras besoin si tu crames en force de me ramener. Chaque jour passé, c'est vrai que tu devrais être. Pour chaque million passé, l'espoir c'est facile. de taper des impôts. Avec du pouvoir d'esquiver les impôts. Pour moi, qui que des impros. 500 000 c'est déjà un peu. Je deviens sévère, tu hallucines, c'est clair. Ça donne le blé, tu me fais pas la tarte. Tu peux te faire, tu me fais pas la tarte. Je deviens sévère, tu hallucines, c'est clair. Ça donne le blé, tu me fais pas la tarte. Tu peux te faire, tu me fais pas la tarte. Thank you. Thank you.